Annonce 1. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 8664 à destination de Rambouillet va entrer en gare, quai F.